Dimanche 17 mai, au Pub Saint-Paul, Vieux-Montréal, live Rada Dub World Reggae avec Pierre-Paul Macoumbé et Zikinko. Aussi, Select Amo, admission 10$. Pub Saint-Paul, 124 rue Saint-Paul-Est. Rada World Reggae Music, Haïtien ou pas oublié. 17 mai, nan vie poa, nan prétend non, vin papaquette, vin en pile! Parce que pas oublier 17 mai, c'est la veille, jour, fête drapeau nous, nous pas que nous oublier bagay ça! Rada! World Reggae Music! Les portes ouvrent à 9h, spectacle à 10h. CD en vente au spectacle, une coprésentation CKUT.